Voici le signal horaire officiel du Conseil national de recherche du Canada. Au début du trait prolongé, il sera exactement lundi, heure avancée de l'Internet. Oh, pas encore ton... Excusez. Cette semaine, vivre dans le futur. On magasine parce que ça fait un beau jeu de mots. Les géoïdes, c'est pour les faibles. Impressionnez vos amis archéologues en découvrant des restants de licornes. Et on fait du parachutisme avec une toune. Maintenant, voici votre animateur, celui qui arrive sur ses chapeaux de roue et que sous son chapeau il est roux, c'est-à-dire NARF! Le 9 c'est hot parce que c'est comme un 6 à l'envers, et bienvenue au podcast. Il s'agit de l'émission numéro 9 qui est enregistrée en ce beau 17 mars, et donc c'est un peu comme une capsule temporelle. Parce que tu sais, on enregistre ça le 17 mars, mais là vous entendez ça probablement quelque chose le 24, comme autour du 24 avril 2024. Non, mais ça peut être en 2024 parce que donc j'espère qu'il fait beau dans votre futur, c'est-à-dire votre présent, mais notre futur à nous qui sommes dans le passé. Mais on en a déjà parlé la semaine passée. Quoi ça? Ben, de toutes les affaires de temporalité. Non, parce que check bien ça. Parce que là, nous, qui vous parle à partir du passé, de votre passé, mais qui. En fait, nous sommes dans le passé parce que le passé c'est hot, surtout quand on vient du futur comme moi. Mais c'est vrai, NARF, là, quand mettons on chat sur Google Talk, qui est toujours comme 9 minutes avant toi, à peu près. 13. Ma montre, elle continue toujours de prendre l'avance, fait que je suis toujours plus dans le futur. Et donc, tout ça pour dire qu'à côté de moi se trouve un gars très légendaire qui s'appelle David le Légendaire. Bon, mais je suis légendaire. Ouais. Et aussi, et, non, un... l'autre affaire. et aussi un gars chevelu qui aime beaucoup l'argent et qui s'appelle Ali. Hein? Bonjour Ali. Comment ça, chevelu? J'aime mieux poilu. Et qui aime beaucoup l'argent. Poilu? Oh, on peut mettre poilu d'abord. Non. Donc, mais juste avant qu'on commence, j'aimerais ça vous parler d'un petit site internet qui fait lien avec ce que je disais tantôt, parce que je disais pas ça pour rien, évidemment. Là. C'est-à-dire, nous qui sommes dans le passé, je vous parle d'un site qui s'appelle futureme.org. C'est un site pour s'envoyer un message à soi-même dans le futur. Fait que donc, si, mettons, moi, je vous envoyais un message maintenant, vous le recevriez tout de suite dans votre présent parce que vous êtes dans le futur. Ben, tout dépendant que je suis capable de prévoir. Mais c'est pas un Google Gadget que Google avait fait. Pas en tout. Mais peut-être au poisson d'avril, là. Ouais. Tu as envoyé des emails dans le futur. Oui, comme poisson d'avril l'année passée, il y a 2 ans. Hein? Gmail, non, ça c'était l'année passée. L'année passée, Gmail te permettait d'envoyer des messages dans le futur. Ou dans le passé aussi, je pense, non? Peut-être. Mais que non, pas dans mais le passé, c'est pas parce pour que vrai. Parce que si on le faisait dans le passé, ça aurait pu comme oui, altérer le futur. Oui, mais ça c'était pas pour vrai. Je viens de le prochain poisson d'avril. De quoi vous parlez, parce que... Parce que toi, c'est vrai. Mais moi, c'est vrai, là. Vous envoyez des lettres dans le futur. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des emails, ils gardent dans leur serveur jusqu'à temps que la date que vous ayez décidé arrive, puis là, ils vous l'envoient. Ah, fait que ton futur, toi, il peut pas te répondre. Pas dans le présent, non. Oh. Il peut juste te répondre dans le futur. Non, dans le présent aussi. Non, mais mettons, quand toi, tu l'envoies, tu vas avoir la réponse dans le futur. Ah, ça, c'est le problème avec les maudits voyages temporels. C'est tout... je suis en train de lire un livre au complet là-dessus qui parle de ça. C'est trop compliqué. C'est comme dans le Guide Galactique, quand ils savent plus comment conjuguer leur verbe. Exactement. Tout ça pour dire que j'en ai justement un exemple, parce que sur le site Future Me, vous pouvez décider de mettre ça comme étant... Hein? Je veux la lire. OK. Tout ça parce que sur le site, vous pouvez décider, genre... de la laisser anonyme, puis elle va apparaître sur le site. Donc c'est le fun de lire les messages des autres dans le futur. Fait que là, il y a un gars qui s'est écrit Dear Future Me. Yeah, you used to put penny off. Tu sais qu'on la traduise? Non. Ok. Yeah, you used to put pennies on the ground for people, mostly little kids, to pick up and have a nice day. Try not to stop doing that. P.S. I hope you're still listening to Nick Drake and the Velvet Underground on the subway to school. C'est... Ça a été écrit en novembre 2005, puis ça a été envoyé en janvier 2006. Donc ça fait un petit bout. Mais il n'y a pas eu trop d'écart entre les deux, par exemple. Mais on espère qu'il a continué à mettre des scènes à terre pour, que les... pour amuser les petits-enfants, puis aussi moi. Ah, t'as-tu trouvé des scènes à terre? Non, ben l'autre fois j'ai trouvé deux 10 scènes comme à 1 mètre d'intervalle. J'étais content. Oli, il était moins content parce que j'y ai volé dans sa face. Non, rappelle pas. Fait que ça, c'est un... dans le fond, c'est le même principe. Si vous avez joué à Animal Crossing, c'est la même affaire. On peut s'envoyer des lettres dans le futur à Animal Crossing à soi-même. Mais tu peux faire ça sur ta Wii aussi. J'ai fait ça une fois. Oui, Oli que... aussi a fait Oli ça. Aussi, ouais, mais... je me demandais pourquoi tu voulais parler de moi, puis je viens de comprendre. Parce que je me rappelle que j'ai fait ça une fois, je pense, en janvier 2006. Ça, je pense en janvier 2006, je me suis envoyé une lettre pour vraiment dans longtemps, genre en 2010. Je me rappelle absolument plus de quoi ça parle. Puis je me rappelle même plus, genre, c'est quand que je vais la recevoir. Fait que je vais vraiment faire le saut, mais que je la reçoive. Moi, c'est mes vendredis 13 puis mes 1er avril qui sont bookés pour une coupe d'année. Dans ta Wii? Dans ma Wii. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai juste écrit poisson. pour le poisson d'avril. Le vendredi 13, c'est marqué genre vous. Non, j'ai marqué comme Super Evil vendredi 13, je sais plus. Super! Donc on enchaîne avec. Super David! Donc on enchaîne pas avec Super David, mais bien avec le présent et l'avenir de la brigade. Et donc, David, tu voulais nous parler de quelque chose, toi là? Oui, mais pas tout de suite, seulement dans le futur. Parce qu'il est en train de lire sur la feuille. Bon. Ça, je voulais vous parler de Kiowa Québec. Dans le fond, on vous en a parlé une couple de fois là, dans les anciens podcasts. C'est plus un magazine de manga, c'est rendu une maison d'édition parce qu'ils sont enregistrés comme ça. Parce qu'ils sont big. Parce qu'ils sont devenus big. Puis là, ils ont nommé dans le fond leur magazine Manga, mais pas Manga, là, c'est Mang comme le Furui, tu sais, il y a Crunch Crunch, puis A, comme au lieu d'être 1, c'est A, tu sais, il va avoir Mang B, Mang C. Vous comprenez le principe? Une nouvelle nouveauté aussi, au lieu d'en faire 20 par mois, ils en font 500 parce qu'ils sont tombés en imprimerie au lieu de faire ça chez eux avec une imprimante de merde. Et tu veux... C'est pas tant l'imprimante qui allait mal, mais bien l'étape de genre la colle chaude puis se brûler les doigts pour coller la couverture puis s'arranger pour que ça tienne puis que ça tombait tout le temps du croche. Fait que... Bref, il y avait bien plus d'avantages d'aller en imprimerie. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'ils vont pouvoir, de cette manière-là, desservir plusieurs points de vente. D'ailleurs, ils en ont déjà au marché clandestin. Puis, apparemment, ça part super vite. Donc, si vous en voulez, allez-y fréquemment. Puis, n'ayez pas peur de demander pour Manga, parce qu'ils en ont toujours comme 5 en même temps. Puis, d'habitude, ça part comme en 2 jours. Puis, c'est pas cher, là, c'est comme 5$. Puis, sinon, vous pouvez toujours 7. Aller voir... 7? Ouais. Oh, ça a changé. Ça n'a pas changé, ça a tout... Mais c'est comme... Si c'est quelque chose, là, okay. Mais c'est... Puis sinon, vous pouvez toujours aller dans des conventions, genre Otakuton, où il va en avoir aussi dans une convention de bande dessinée française à Québec cet été, genre en juillet. Je pense que c'est le Salon du Livre, mais je sais pas si... Ouais, c'est le Salon du Livre, mais c'est... À Québec. Mais c'est quelque chose dans le cadre du Salon du Livre. Je pense que c'est comme le Festival de la BD francophone. Donc, vu qu'on le sait pas, on vous invite à aller sur le site de Kiowa. Ouais. Dont l'adresse est Kiowa Québec dans Google. Mais non, parce que si tu fais ça, ça se peut que tu tombes aussi sur un autre site de okay. Kiowa Québec, mais qui est pas bon. Ok, alors l'adresse c'est Kiowa Québec en un seul mot, c'est-à-dire Kiowa Québec.com. Y a-tu un accent dans Québec? Jamais. Jamais d'accent. Ouais, jamais. Donc, on va leur souhaiter un bon succès, parce que, je veux dire, ça a l'air qu'ils se débrouillent déjà pas mal mieux que nous, côté ben, succès. Ben non, on était hot à J-Animé. Oui, mais depuis... Je sais que là, ça commence à s'essouffler un peu, je veux dire, je me fais encore taguer dans des affaires de J-Animé, puis je commence à être tanné un peu, là, j'aimerais ça qu'on passe à autre chose. Donc, pour parler de passer à d'autres choses, on va passer à la chronique Amélie. Hey, j'aime ça, celle-là, comme bien, je trouve. Ça paraît que c'est pas le king du game qui fait l'animateur. Donc, Oli, tu voulais, ça veut dire encore nous parler de Superman, puis de trucs de géoïdes, puis de colonnes de plasma. Ah oh, non. C'est quoi le rapport avec non. Superman? Je sais pas, mais à un moment donné, on avait parlé que ton prof, il t'avait parlé d'une affaire de tourner autour de la Terre. Non, c'est la Terre qui tournait pas aussi vite que le noyau, je pense. Ouais, fait qu'on avait dit ton prof, c'était Superman, puis je sais pas, il avait l'air de ça. Ouais, c'est ça mon prof, c'est donc, Superman. Donc, tu veux nous parler de quelque chose qui a rapport avec ça? Ouais, parce que Monsieur Kent nous a enseigné d'autres choses. Il s'appelle Kent? Non, parce que tu t'as dit que c'était Superman. Clark Kent. Ah! Je pensais le philosophe. Quoi? Mais non, Kent, c'est pas lui. Donc, c'est ça, comme ma colonne de plasma semblait beaucoup vous impressionner. J'en shake encore. Il faut nous faire peur. Ah, je dors plus la nuit. Je me suis dit que je pourrais vous parler d'autres trucs que j'ai appris dans mes cours. Mais là, on va faire comme l'on soit, là. On va avoir la moitié des trucs que vous avez trouvé plate. Puis là, David va me dire, wow, c'est plate, continue. Puis l'autre moitié, il devrait être plus intéressant. Puis ça va-tu nous faire peur? Je pense pas. Écoute, ça dépend si vous êtes bien sensible, là. Fait que, la première affaire que je voulais vous parler, la dernière fois, je vous avais dit que la Terre avait une forme de mouton. Mais là, c'est encore plus vrai. Non, de géoïde. Géoïde, c'est est-ce que ça a quoi encore changé? Non. Parce que là, au primaire, t'apprends que c'est rond. Ensuite, au secondaire, t'apprends que c'est ovale. Après ça, à l'université, t'apprends que c'est en géoïde. Et après ça, tu réapprends que c'est plus en géoïde, non, finalement. Après ça, tu rentres dans une secte, puis ils t'apprennent que c'est en forme de poire. Non. C'est sorti dans le journal, de deux semaines. Les gars, okay. Non. Non. Que je voulais... Alors, on va le laisser chroniquer. C'est effectivement en forme de géoïde, qui ressemble à un mouton. Et d'ailleurs, il y a un de mes profs, je pensais qu'il avait inventé ça, mais il y en a un autre qui a utilisé le terme, qui parlait d'un patatoïde. C'est pas vrai! Je vous jure que j'ai entendu deux de mes profs utiliser ce terme-là. Fait que la Terre est en forme de patatoïde. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Ça veut dire quoi ça? En forme de patate. Ah ok. Tu sais, t'as jamais remarqué qu'une patate c'est en forme de mouton? Ouais, souvent. Oui. C'est ça. Mais il y a bien des affaires qui sont en forme de mouton. Genre un mouton. Genre un catamarie. Ce que je voulais vous dire, c'est que. Là, le maudit géoïde, ok? Hein? Quand on est pogné pour faire des cartes avec ça. C'est compliqué. Je me suis rendu compte que ceux qui étaient vraiment intelligents, là, c'était comme les Romains. Eux autres, ils se compliquaient pas la vie. La Terre était plate. Ah, c'était bon, ça. Quand tu voulais faire une carte, là, ben, tu poignais la Terre plate, puis tu la dessinais sur une feuille. C'est quoi, tu fais une ligne? Mais les Romains, ils faisaient quoi avec les montagnes? C'est pas des montagnes que je te parle. Elles devaient pas être super plates, dans ce cas-là. Elles étaient pas rondes, leur Terre, eux autres, elles étaient plates. À un moment donné, il y a un cave qui a décidé qu'elle était ronde. Tu sais, quand ils ont inventé le bateau, hein? Peut-être après. En tout cas, ça pour dire que... Oui, anachronique, quoi... quand tu viens... Quoi? Ah ouais, il continue. Parce que c'est ça, eux autres, ils avaient juste à la sacrer sur un bout de papier. Puis après ça, ils ont dit, ah, oh, finalement, elle est ronde! Fait que là, quand on a voulu faire des gardes, ben, ah, oh, ça marchait plus! Fait que là, il a fallu inventer plein d'affaires compliquées, puis là, imaginez en géoïde. Je voulais juste vous dire que les Romains étaient bien plus intelligents que nous, finalement. Ben, ils étaient surtout plus paresseux. Et oui, il y a du pain et des jeux, il faut t'aligner dans la journée. Regardez des lions se battre entre eux autres, qui se mangent entre eux autres. C'est cool, ça. Bon, bref. Fait que ça, c'est la première fois que je vais vous dire. Après ça, l'autre fois, dans un de mes cours, il y a un monsieur d'Hydro-Québec qui est venu. Puis là, je me disais, oh, il va nous vendre Hydro-Québec. Mais je non. Pensais qu'il voulait juste vérifier les compteurs. Non, il voulait pas venir. Oh shit! Je vais vendre Hydro-Québec. C'était comme le monsieur environnement de Hydro-Québec, puis il nous a dit des trucs intéressants. Entre autres. Saviez-vous que le vélo est deux fois plus écologique que la marche? Hein? Hein? Vous l'aviez pas vu venir, hein? Comment ça peut être? Comment? Parce qu'il nous a donné, c'était peut-être des chiffres arbitraires, mais c'est comme sur l'ensemble de la durée de vie d'une patente. Tu sais, pour l'auto, mettons, il disait de la construction de l'auto, plus tous les gaz qu'elle émet, plus quand elle scrape, tu sais, ce que ça fait comme pollution. Là, il disait, le vélo, bon, faut que tu le construises. Tu le détruises. Pas la marche, on s'entend. Sauf qu'avec un vélo, tu utilises beaucoup moins de calories pour faire une beaucoup plus longue distance. Donc, au bout du compte, donc, c'est deux fois moins? Plus écologique que la marche. Parce que tu manges moins? C'est une façon de voir ça, là. C'est donc le mais pourquoi utiliser moins de calories, c'est écologique? Mais parce que si tu manges moins, tu fais moins de... Non, mais c'est parce que tu vas manger tes 3 repas par jour, peu importe si tu fais de la marche ou... Mais tu vas manger moins de repas par jour. Tu vas manger moins de quantité de bouffe dans ton repas. Tu vas manger moins c'est de viande. C'est que l'efficacité de... par rapport à énergie utilisée puis potentiel... Ouais, je pense que je comprends que c'est ce qu'il veut dire, mais... C'est écologique ou c'est juste efficace? C'est la même affaire. Parce que si c'est efficace, ça prend moins d'énergie. C'est ça. Mais là, on parle pas nécessairement d'énergie de pétrole, on parle d'énergie dans le sens énergie musculaire, énergie de bouffe et tout ça. Puis comme il y a une crise alimentaire, en plus d'avoir une crise économique, puis la crise économique est arrivée... Bon, je parle pas de la crise économique. Non. Puis question de même, d'après vous, qu'est-ce qui est le plus écologique entre un auto et un avion? Un auto. Le voyage en auto ou voyage en auto? C'est con à dire, mais c'est l'auto. Ça dépend. Ça dépend. Les vols en avion de longue, pas longue durée, là, mais sur des longues distances, là, mettons entre les continents, ben c'est, je vais dire, c'est plus efficace qu'en auto. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est plus écologique qu'en auto. Mettons, pour une distance égale. C'est plus écologique avec un avion qui fait des longues distances. Mais pour les courtes distances, ben l'avion, il décolle, il brûle plein de gaz parce qu'il est con. Il fait son chemin. Là, il atterrit, fait qu'il brûle encore plein de gaz parce qu'il est con. Fait que c'est pas bien. Fait que tu prenais pas l'avion pour aller de Montréal à Toronto. Quand tu dis que parce qu'il est con, tu veux dire parce qu'il est contre le vent? Parce qu'on est quand même poli dans un podcast. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. C'est plus juste un lit qui fait les jeux de mots plates. C'est pas un jeu de mots. Mais bon. En fait, le gars de Québec, il y a quelque chose qui me disait dit. Hein? J'ai pensé à toi, David. Je me sens flatté. Si il a parlé de légendaire. Si je vous dis, là... Où il a parlé qu'ils ont vraiment un gros réseau. Fait que, si je vous dis biocarburant, ouch, à quoi vous pensez? Aux autobus contre la STM. Des autobus contre le vent de la STM. Pourquoi ils sont contre le vent? C'est parce que de manière contre le vent, ils ont décidé d'utiliser du biodiesel, qui est super pas écologique parce que ça prend plus de transport, puis c'est plus polluant, genre, à produire, à raffiner, puis à transporter que le vrai diesel. Effectivement, le biodiesel, quand ils font avec l'éthanol, toutes ces patentes-là, ben, il faut qu'ils utilisent du gaz pour le faire. Fait qu'au bout du compte, c'est pas plus écologique. Puis ben, les gens qui se nourrissaient avec ça, ben, ils crèvent de faim. Fait que là, moi aussi, je trouvais ça con. C'est pour ça que je vous parlais de la crise alimentaire. Le gars d'Hydro-Québec nous a dit que le biocarburant utilisé par la STM, l'autre, je sais pas, mais utilisé par la STM, vu que c'est du biodiesel, ils font ici avec de l'huile de patate frite usagée. Oh yes! Est-ce que c'est des patatoïdes? Non! Ah, mais j'en avais déjà entendu parler à sucré salé il y a genre 5 ans. Mais ils font pour la STM. Je savais que ça existait. Mais la STM utilise les huiles de patate frite usagées pour faire son biodiesel. Ouais. Fait qu'on peut prendre l'autobus en toute bonne conscience. Yes! Ouais. Ben, je prenais toujours l'autobus en bonne conscience. Moi, ce qui m'inquiète, c'est effectivement, c'est, ça peut pas marcher pour toutes les chars parce qu'à un moment donné, il va manquer de patate frite. Ouais, effectivement. Il nous a dit d'ailleurs mais que... Mais ça veut dire qu'il va falloir manger plus de poutine. Il nous a dit que l'huile de patate frite à Montréal est quasiment tout utilisée déjà pour ça. Ah, ben c'est cool. Donc, il en reste plus beaucoup. Ça, c'est du recyclage. Ouais, surtout que l'huile à patate frite, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait avec. Ça devait sûrement pas être bien. Plus, là, depuis, Où ils font frire, t'aimes ça. Depuis janvier, il y a les autobus sibérines en plus. Là. Fait qu'en tout cas, c'est ça. C'est quoi les autobus sibérines, c'est genre ils vont dans l'eau? Non, c'est les autobus électriques en même temps. Patatoïde. Patate frite. Oh, c'est vraiment un pire conducteur en ta chronique. Je pense qu'on a un concept. Là, on a un thème. Le dernier sujet. Parce que là, plein de mini-sujets, non. Ah, ben, pardon pas. D'après vous, les gars, là, tu sais, les animaux imaginaires, là, comme, je sais pas, là, moi, les... Ah, tu veux parler de licorne, oui, oh, t'es devenu, hein? Parce que t'as entendu le début de l'illusion, parce que moi, je veux pas les bien faire. Si je vous dis, je vais me concentrer sur les dragons et les licornes. D'après vous, qui c'est qui a inventé ça? Pas qui c'est, mais pourquoi? D'où c'est ça vient? Y a-tu un gars qui a trop fumé, qui a dit, ah, j'ai vu une affaire avec un long cou, giraffe. Puis là, après ça, il y en a un autre qui a dit qu'il avait vu une licorne. Ben, c'est ça, c'est parce qu'il se vantait, genre, il disait, ah, moi, j'ai vu quelque chose avec une girafe. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit, ah, ben, c'est ça, j'ai vu un cheval, mais c'est pas un cheval, c'est comme, il y avait une corne dans le front, fait que c'est une licorne. Puis on dit, attends, moi, ce que j'ai vu, c'est une girafe. Avec des cornes dans la gueule, je m'appelais ça un dragon, puis en plus il volait puis crachait du feu. Je suis sûr que ça s'est passé de même. Ok, donc t'as pu David. Ah, absolument. Ok. Écoutez, pour les dragons, je vais vous... En fait, j'ai vu ça dans un cours, il nous a dit que ça vient tout du Moyen-Âge à peu près, ok? T'as vu ça dans un cours de géographie? Que... C'est un cours plat d'ailleurs, mais au moins ça c'était intéressant. Parce que c'est comme une histoire de la géographie. Vous voyez des choses plus fun que ce qu'on voit dans mes cours. Mais il nous disait, au Moyen-Âge, les gens, tu sais, vous savez probablement, tu sais, le Moyen-Âge, on appelle ça la grande noirceur, genre. Parce que les gens, ils étaient tous cons, puis ils ont dit, ah, la science, c'est pas bon, on va écouter la Bible. Qu'est-ce qu'il y a, les balances? Pourquoi on écoute la Bible? Parce qu'elle est noire. Ça, je sais pas. Mais ils ont décidé de flusher la science. Fait que là, les gens, tu sais, quand ils curieusaient ou n'importe quoi, ils trouvaient des os de dinosaures. Puis ils disaient, c'est quoi ça? Oh, ça doit être un gros animal géant qui crache du feu. Ben, il était pas On va appeler ça un dragon. Il était pas bien loin. Ouais. Ça faisait juste pas cracher de feu. C'est ça. Mais le dragon, sais-tu, mais moi je pensais que c'était comme, justement tu dis qu'il flushait la technologie un peu, mais il devait avoir des lance-flammes dans ce temps-là, fait que c'était du dragon à la place. Non, je pense pas que à l'époque il y avait, parce que justement ils ont flushé la science. Mais justement, fait qu'au lieu de prendre des lance-flammes, il y avait des dragons. Avec sans science, là, il y a plein d'affaires qu'on n'a pas. Internet. Bon. On n'a pas de bazooka, pas de lance-flammes. Mais parle pas de bazooka, on va en reparler tantôt. On a même pas de pi, fait que les dragons. Ben oui. Les dragons, c'était juste comme ça, ok? C'était juste après les vaches. Au galop. Donc. Fait que les dragons, c'était juste les os de dinosaures, ok? Les licornes. Qu'est-ce que vous savez sur les licornes, genre, pour vrai, là, tu sais, sur l'origine, ou sur l'histoire de la licorne? Fait qu'il y avait une licorne dans le front, c'est bon. Quelle forme a la corne? En forme de corne. Il y en a pas comme une texture spéciale dessus, non? Un tourbillon. En tourbillon, en drill. Ah, ouais. Pas des narvals, toujours. C'est quoi, vous le savez? Ta gueule, arrête de péter mes punch. C'est quoi des narvals? Puis l'autre affaire, là, Narf a pété mon punch. Mais l'autre affaire. Mais excuse-moi de connaître les animaux. L'autre affaire qu'on sait, c'est que, apparemment, que. Pourquoi il n'y a plus de licorne sur Terre? Parce que ça n'a jamais existé. Est-ce qu'ils se sont tous transformés en narval? Non! Narval. Dans l'histoire, ils disent que c'est parce que Noé les a oubliés. Ah! Fait qu'ils sont tous mêlés. Ok, mais c'est pas l'histoire. Dans le déluge. Ok. L'histoire. L'histoire des licornes. Noé est dans les poches. Donc? Ça serait le fun d'avoir des petits chevaux avec des cornes et des arc-en-ciel. On sait qu'ils ont une corne en avril. Moi, j'y souhaite de se noyer. De s'oublier lui-même. De se noyer. Oh! Ok. Donc, il y avait une corne en drill, puis ils se sont tous noyés parce que Noé les a oubliés. Puis là, au Moyen-Âge, quand il était dans l'océan, ben, il trouvait des cornes en forme de drill dans le fond de l'eau. Fait que là, au lieu de se dire, ah, ben, ça doit être un narval, tu sais, ils se sont dit, ah, ça doit être un cheval avec une corne dans le front, qui n'existe plus aujourd'hui. Parce que le bon Dieu les a laissés crever quand il a sauvé le reste de l'humanité. Puis comme on les trouve dans l'eau, ben c'est logique qu'ils se soient noyés quand il y a eu un déluge sur l'ensemble de la Terre. Puis qu'on n'en trouve pas sur la Terre. Fait que merci Narf de péter mes poches. Mais c'est quoi un narval? C'est ça, c'est des cornes de narval. C'est une espèce de... Comme un dauphin avec une corne de licorne. C'est comme un Pokémon. Y a-tu un Pokémon? Ben, y a un fuck qu'une corne. Ben, non, c'est pas ça. Pas vraiment un fuck. Okay. C'est plus comme un. Ça ressemble à un dauphin ou une baleine. Moi, une baleine? Une baleine, genre, mais petit. En tout cas, c'est un animal aquatique, puis ça a une corne. On va mettre une image dans le blog. Puis on va vous avoir dit que, tu sais, l'image que c'était écrit qu'elle avait pas rapport, puis qu'on voulait vous demander, puis que vous vous demandez à quoi qu'elle sert, ben, c'est à ça qu'elle sert. Fait que là, Narf a pété mon punch, fait que. Oh, même c'était le plate. Billet de blog avait pété ton punch, mais le billet de blog n'a pas été encore écrit, ce qui fait qu'il est dans le futur. Mais c'est pas grave, parce que vous, vous l'écoutez dans le passé. Bon, en tout cas, c'était ça pour mon histoire de Nikon. Good. Alors, sur ces belles paroles, on va enchaîner avec la super toune à David, qui se sauve en courant, je sais pas pourquoi. Il est pas prêt. Il était prêt à l'heure, mais il est plus. Et donc, comme à notre habitude, on a des mots à utiliser. C'est-à-dire, moi personnellement, j'ai décidé d'utiliser le mot gomme bazooka, parce que j'aurais bien utilisé bazooka, mais je pense que je l'avais déjà utilisé. Fait que gomme bazooka, c'est bon aussi. Moi, c'est le mot appendice, parce que je trouve ça très drôle, ça sert à rien. Tu te l'es-tu fait enlever récemment? Non. Non? Puis, j'ai écouté les appendices à Télé-Québec. Cool. Puis David, toi, c'est quoi ton mot? Moi, il n'y a pas de mot d'écrit, mais il y a un rat qui arrête pas de passer au-dessus de notre tête depuis tantôt, fait que ça va être rat. Che? Ou requin? Ou roquette. Comme la team. Bon, c'est quoi ton mot? Ben, c'est re. C'est que... On écoute. Avec tes mains encore que d'habitude, mais avec une pari, c'est pour que ça change. Oh! Oh! Ça sonne nouveau. C'est quoi les mots là, c'est comme Nazuka, appendice, dit. Ça veut dire qu'il l'a dit pas. Voilà. Une fois j'étais été chez le médecin. Là, j'avais une crise d'appendice. Puis il m'a demandé comment ça se fait que j'ai une crise d'appendice. J'y ai dit que j'ai mangé une gomme bazooka. Kaboom! Puis il m'a dit, ben ça va rapport, c'est pas comme ça qu'on pogne des crises d'appendice. Il a mangé? Wesh! Mais j'y ai dit que c'était la joke clap. C'est toujours la faute, la joke clap. Puis là, ça va rapport, meilleur rock, passé en arrière du docteur. Il va conjuguer un verbe au futur. Il passera. Il me soignera. Ok. Donc, comme je disais, on était rendu au segment du répondeur de la brigade. Comme à votre habitude, vous nous avez envoyé des messages au 514-90-PIRATE. Mais non, vous ne nous en avez pas envoyé. Vous avez préféré nous envoyer des courriels, ce qui est une bonne façon aussi. Le premier qu'on a reçu, c'est un commentaire qui a été mis sur la photo de Oli et David lors d'un enregistrement il y a longtemps. Il y a John TC qui a écrit quelque chose qui m'a fait bien rire. On dirait Weird Al Yankovic. Ouais, c'est ça qu'il a dit. C'est quoi Weird Al Yankovic? Il faut savoir que Weird Al Yankovic, c'est un chanteur qui fait des parodies de tunes, qui a des cheveux à peu près jusqu'au milieu du dos bouclés. Puis le dos ou les cheveux? Les cheveux. Les deux. Et c'était sur j'aime une photo... ça que tu réfléchisses pour répondre à ça. Et c'était sur une photo de Ellie. Alors, j'avais trouvé ça bien drôle et je voulais vous en faire part. Parce que Ellie, c'est vrai. Sur ce, on enchaîne sont avec... pas roux. On au enchaîne moins. Avec le message suivant, qui nous vient de Plastique. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'elle. Oui, ben en fait, ça fait vraiment longtemps qu'on a reçu ça, puis on l'avait en fait, juste un peu oublié. Ça fait vraiment longtemps dire... qu'on a fait des podcasts. Mais je pensais que j'étais en train d'être content parce que y a comme... c'est là qu'on se rend compte qu'on a des auditeurs. Oh non, ça vient juste... On avait des auditeurs. Ça vient juste du très gros passé, ça. Elle nous a donc écrit... C'était dans le temps qu'on faisait des segments de questionnant la brigade SNW. Oh donc, shit! C'est ça, ça fait longtemps. Je veux dire, c'est avant les podcasts, c'est avant les podcasts avec des tunes dedans. Et c'est avant le Big Bang. Elle mais après l'apocalypse. Elle nous a écrit... Non. Checkez bien la question. Y a-t-il beaucoup de gens qui posent des questions parce que moi, j'ai hâte d'avoir un nouveau vidéo? Et puis le présent et le futur pourraient se passer en même temps, et chacune de nos actions changerait quelque chose dans le futur. Et peut-être avons-nous plusieurs vies en même temps. Et pourquoi nos ancêtres n'existeraient plus? Le passage de l'enfant à l'âge adulte, c'est quoi qui fait ça? On change pas comme ça? Suis-je folle? Bon alors... Mais la réponse la plus simple, ok? C'est oui. C'est oui. Comme ça on n'a pas besoin de d'avoir à répondre. Donc oui, Plastique. T'es folle. Ah. Ben, on va-tu répondre à ta question aussi? Ben, on a répondu. On a répondu. On répond pas au reste? Non. J'ai rien compris du reste, de toute façon. Alors, on va tout de suite enchaîner avec la toune. C'est pour ça que les gens nous écrivent pas. Tant pis pour eux. Si t'as pas fier de nos questions, ils demanderont à Madame Deschâtelets. Je veux dire, j'espère qu'ils s'attendent pas à des réponses sérieuses en demandant à Brigade SNW une question. Et oui, c'est nous qui posons des questions. Ouais, c'est ça, c'est nous qui posons. Bon, voilà. Elle a juste à nous envoyer des réponses comme tout le monde. Donc, continuez à nous écrire ou à nous laisser un message. Mais surtout à nous laisser des messages. Ouais, c'est sûr, c'est plus le fun. 514-90-PIRATE ou Brigade SNW... Non, brigade.snw@gmail.com. G, là, c'est un G-M-A-I-L. C'est pas genre Gmail. Ouais, peut-être que tout le monde se sont juste trompés. Sur ce, on termine ce fabuleux podcast avec la toune. Qui est justement en lien, ben, en lien un peu avec la chronique à Ali de tantôt. C'est une toune que j'ai choisie parce que justement, je savais que t'allais parler de planète et de colonne de plasma. Puis tu savais qu'Ali allait pas choisir de toune. C'est donc la toune Dave Van Cowboy du groupe Boards of Canada. Là, la toune, en fait, vous allez l'entendre, vous allez faire c'est quoi le rapport avec la chronique Oli. Il y en a pas. Mais il faut, parce qu'il faut regarder le clip vidéo. Je vais essayer de le mettre en lien avec le blog. Dans le clip, ce qu'on voit, c'est un gars qui est comme en espèce de montgolfière dans l'espace, qui saute en parachute. Fait que, tu sais, comme on voit la Terre comme vue de l'espace, pis tu sais, la Terre. On voit une colonne de placement. Faudrait porter attention. Faudrait regarder comme faut. Alors, on vous invite, pendant que vous écoutez la toune, à vous imaginer le clip que vous ne voyez pas, puis à essayer d'imaginer une colonne de plasma sur la Terre. Sauf qu'il faut que vous sachiez, si, mettons, le soleil est en arrière de vous, ben, vous verrez pas la colonne de plasma parce qu'elle est du côté opposé au soleil. Ouais. Fait qu'essayez de vous imaginer le soleil de l'autre bord pour voir la colonne de plasma. Donc, étant donné que la toune est un peu longue, on va se laisser tout de suite. Et, parce qu'on va la faire jouer au complet parce qu'elle est vraiment bonne. De la semaine. Une licorne noyée dans l'huile de patatoïde. Les frites sont partout! C'est là un Pokémon, j'espère. Pika! Pika! Licorne, licorne! Patate frites! Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain podcast qui va être dans le futur aussi, mais votre futur à vous. Puis le nôtre aussi. Et le nôtre aussi, parce que le futur, c'est pour tout le monde. Mais notre futur va être dans votre passé, par exemple. Ouais. Notre futur est plus dans le futur que le vôtre en ce moment. Tout ça pour dire, mais vous non. êtes en train de toujours écouter la toune Dave Van Cowboy du groupe Boards of Canada. Il est un très bon groupe si vous aimez le Neo New Age et ce genre de trucs. Puis d'ailleurs, je me rappelais quand tu m'as décrit le clip que je l'avais déjà vu. J'espère que vous avez noté que c'est du Neo New Age. Ça, c'est nouveau en Donc, bye bye. Bye.